Il y a trois choses qui peuvent changer le cours de l'histoire. Les actes héroïques, les grandes décisions et les erreurs décisives. Bienvenue sur ma mixtape Diamant de Conflit. On est ouvert à tous, à toute heure, parce qu'on partage un plaisir fou. Derrière le microphone, on prend de l'ampleur. Check, c'est pour toutes mes streets. Je vous vois sourire. Je vois des darons porter leurs enfants. Je vois l'Afrique grandir. Je vois la France apaiser. Je vois les Renois arrêter de se détester. Je nous vois partager avec nos voisins. Je le vois et je le vois bien. Cheer. Mon nom à moi, c'est L.A.L. L'Alco. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Ils voulaient que je les représente. Je viens les représenter. N'oublie pas qu'avant ça on était des rois. Et qu'un grand roi est esclave. Et que son peuple est libre. Ces diamants de conflit, on donne ça pour que le peuple vibre. C'est le retour du rap. Du vrai rap. Des mecs qui le font parce qu'ils en ont envie. Qui le font parce qu'ils en ont envie. Qui le font parce qu'ils en ont envie. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient d'Afrique, ça nage. Ça arrive en France, ça grandit. Parfois, ça va aux États-Unis et ça mûrit. N'oubliez pas qu'ils parlent de ça là-bas, mais que ça vient d'ici.